hier, la Ligue Senior du Lac aux Fleuves a fait connaître hier les joueurs qui les suspensions suite au match du 15 décembre entre l'équipe du MJR Express de Jonquière et l'équipe de la Haute-Côte-Nord. Il y a un joueur qui est suspendu pour le restant de la saison, Samuel Gagnon et Kevin Charest, 5 matchs également. On en parle avec le directeur général de la Ligue du Lac aux Fleuves, Mathieu Caron. Salut Mathieu. Mathieu, m'as souhaité une bonne année en passant. Mathieu, si on y allait avec les suspensions, d'abord, c'était supposé se faire dans le temps des fêtes. C'est-tu parce que vous n'avez pas été capable de rejoindre tout le monde? Puis c'est sûr que ce n'est pas évident de rejoindre tout le monde durant le temps des fêtes, là. Donc, c'est-tu pour ça que vous n'avez pas statué durant la période des fêtes? Le comité de discipline a été constitué avant la période des fêtes. Lors de la première rencontre, ils m'ont demandé d'avoir un délai pour pouvoir consulter toute notre réglementation qu'on avait au niveau de la Ligue. Okay. Donc, ils devaient vraiment là, prendre le temps de d'étudier nos règles qu'on avait. Et par la suite, là, c'est en même temps, c'est faire les recherches un peu, étant donné que nous, on n'a pas de jurisprudence ben à oui. ce niveau-là encore. Fait qu'on a fait faire les recherches là, avant les autres ligues. Ressemblant à nous autres, voir comment ça a été géré ce genre de situation-là. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup dans vos recherches que vous avez faites? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemblait pas mal à ça? Ben nous, pour la situation, juste la petite montée dans les estrades, on avait une situation qui s'était passée dans l'année nord-américaine l'année passée. OK. Avec Bruno Saint-Charles qui avait monté dans les estrades après la partie pour aller en direction vers ses propres partisans parce que cette partie-là, ça avait été un peu spécial. Il était monté par ses propres chefs dans les estrades. Il n'y a pas eu le coup qui était donné rien. Par contre, comme le préfet de discipline du temps avait décerné un 5 matchs de suspension à Saint-Jacques pour ce geste-là. Okay. C'est pour ça que nous, ça a été une référence qu'on s'est pris pour faire en sorte de pouvoir sanctionner nos joueurs qui avaient fait à peu près les mêmes choses. OK. Donc, Jean-Christophe Penneau suspendu pour le restant de la saison. Oui, effectivement. Suite à ces gestes-là, au comportement qu'il y a eu, c'était la suspension. Le comité de discipline a décidé de suspendre le joueur pour le reste de la saison. Étant donné qu'il reste seulement 10 matchs, ça donnait 10 matchs. Puis avec les séries, admettons qu'on se rendait jusqu'à la fin, là ça, on pouvait équivaloir à une sanction assez raisonnable pour ce genre de situation. Est-ce que vous avez rencontré des joueurs en question? Est-ce que vous avez rencontré pour essayer d'avoir des explications, pour essayer de baisser, ou c'était vous êtes fié vraiment sur vidéo puis les jurisprudences? Le comité de discipline n'a pas communiqué avec les joueurs pour une raison que les vidéos parlaient déjà par eux autres mêmes. OK. Il aurait pu avoir, mais justement avec le contre-temps, il y avait des joueurs qui étaient partis à l'extérieur aussi et tout. Fait que le comité de discipline était en mesure de juste avec les vidéos de pouvoir juger que ces gestes-là étaient justement là inappropriés. Fait qu'il était capable de pouvoir donner une sanction là en conséquence. Okay. Samuel Gagnon également 5 matchs demain que Kevin Charest. Dans le cas ils ont déjà un match suspendu. Je pense pas que ça les nuit s'il va jouer dans d'autres ligues, Oui, ça peut leur nuire. Okay. Effectivement, durant le temps des fêtes, là, j'ai appris que étant donné que s'ils sont suspendus dans une ligue senior, ben ils peuvent pas jouer tant et si longtemps que la suspension n'est pas purgée au complet. Fait que c'est dans le cas là, des joueurs qui veulent évoluer dans la ligue de la Mauricie. Ça c'était l'information que j'avais reçue à ce niveau-là. Donc ils doivent purger toutes les matchs de suspension là pour ça. OK. Aussi, il y a le Gino Gagnon qui lui a démissionné. Suite à ça, mais vous avez demandé ou encore lui à 3 matchs de suspension. Si jamais il décide de revenir dans la Ligue avec la MJR ou une autre formation, lui, il y aura 3 matchs. Oui, effectivement, parce que le geste de ne pas revenir au jeu, ça a donné une sanction automatique de 3 matchs de suspension. Donc ces trois matchs-là restent à sa fiche. S'il désire revenir coacher dans notre ligue, ben, il va devoir purger ces 3 matchs de suspension. Est-ce que vous avez pensé peut-être que dans les circonstances, la foule était agitée, la foule était... est-ce que vous avez pensé réduire ça ou c'était vraiment dans le livre de règlement? Qu'est-ce que tu peux dire? Ben, c'est parce que la foule était quand même agitée, là, puis de ce qu'on a su à travers les branches, c'est que c'est peut-être mieux de quitter, dans le fond. Est-ce que ça, oui, c'est... Ben, pour le cas de l'entraîneur, c'est un minimum. C'est un minimum, on n'avait pas le choix de l'instaurer. Okay, ça fait partie d'une sanction qui est automatique. OK. Effectivement, oui, on aurait pu augmenter, mais vu les circonstances, le comité de suspension a décidé de rester avec le 3 manches de suspension. Par contre, également, il y a une amende de 250 $ qui a été attribuée à l'organisation du Jonquière, qui est aussi une base de notre réglementation pour justement que en sanction punitive là, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus. Okay. Puis du côté de Haute-Côte-Nord, tu parles pas de la JP, ben, vu que la sécurité n'était pas totalement efficace à ce moment-là pour ça, ben, l'organisation d'Haute-Côte-Nord a reçu une amende de 300 $ à ce niveau-là. OK. Donc, ça fait pas mal le tour. C'est sûr que c'est pas des affaires tellement plaisantes. On espère que ça reviendra pas à tous les ans. Mais bon, moi, je pense que tout le monde a appris là-dedans. Effectivement. D'ailleurs, je peux peut-être te l'annoncer maintenant, vu que c'est officiel. Dans le cas de Kevin Charest, Haute-Côte-Nord, on fait appel à la sanction. Donc, okay. Le comité d'appel va se réunir afin d'évaluer l'appel. Puis, il va avoir le comité va décider voir si ceci maintient la suspension ou décide de le réduire. Ça va se faire au cours des prochains jours. OK. En terminant, je sais qu'il n'a pas fait beau en fin de semaine. Les deux matchs qui étaient prévus ont été remis. Ils vont être remis quand? Je pense qu'à Dolbeau, ici même, c'est le 28 janvier, c'est ça? Effectivement, le match de l'autre côté contre Dolbeau qui devait avoir lieu samedi a été déplacé au 28 janvier à 13h30 à l'aréna de Dolbeau. Et pour le match de Jonquière qui devait descendre à Charlevoix, vendredi passé, lui a été déplacé à la fin de semaine du 23 février. Okay. Donc Jonquière jouait déjà le 24 février à Charlevoix. Fait que c'est un programme d'homme qui pouvait être utilisé à cette semaine-là. Donc, c'était comme ça, c'était organisé pour ces matchs-là. Mathieu Caron, un gros merci, puis on se reparle un autre tantôt. Ah, y a pas de problème. Le directeur général de la Ligue du Lac-aux-Fleuves, Mathieu Caron.